ce n'est rien, ce n'est qu'une espérance. Je veux vivre et le soleil tombe sur mon lit, j'en oublie la maladie. Ce n'est rien, mais donne-moi confiance. Je veux vivre et mes amis ne font rien pour ça. Ils me mentent et ça se voit. Puisque ce n'est qu'une alarme, pourquoi leurs yeux pleins de larmes? Puisque bientôt j'irai mieux, pourquoi ces airs malheureux? Le mensonge est un cadeau qui fait mal un peu de mots. Toi tu me dis que ça va, tu es le seul que je crois. Ce n'est rien, apporte-moi des livres. Je veux vivre et puis parlons de ce que nous ferons juste après ma guérison. Ce n'est rien, ce n'est qu'une espérance. Je veux vivre encore longtemps, et si tout va bien, je pourrais rire enfin. Je dirai merci au soleil.